Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Quels effets les algorithmes ont-ils sur la justice? Comment le numérique a-t-il révolutionné notre langage, notre écriture, c'est-à-dire les liens qui structurent notre société? Et qu'est-ce que cette nouvelle forme d'intelligence engendre de nouveau d'un point de vue juridique, mythologique et philosophique? La question est vaste, dense et passionnante, et nous avons 50 minutes pour déplier ensemble les enjeux de cette intelligence artificielle qui est en train de devenir de plus en plus naturelle. You made a bit more noise. I'm not quite sure my landlady woke up. Oh, sorry. Oh, what did you bring? Alors, ça, ce sont d'authentiques messages décryptés d'Enigma émanant du haut commandement nazi. 0600. Aujourd'hui, temps clair, pluie dans la soirée, Heil Hitler. Voilà une information vitale qui va sûrement nous faire gagner la guerre. C'est le lien entre les messages cryptés et les messages décryptés qui m'intéresse. Il y a peut-être là un indice que nous pourrions donner à Christopher. Qui est Christopher? Oh, c'est ma machine. Vous essayez de construire votre machine universelle? Vous avez imaginé une machine capable de résoudre tous les problèmes? Elle ne ferait pas une chose, elle ferait tout, elle serait pas juste programmable, elle serait reprogrammable. C'est ça l'idée avec Christopher. Eh bien, le cerveau humain est capable de faire des calculs complexes très vite, même Hugh sait faire ça, mais je veux que Christopher aille plus loin. Et qu'il fasse un calcul et qu'ensuite, il détermine l'étape suivante, comme le fait une personne. Imaginez, un cerveau électrique, un calculateur numérique. Un calculateur numérique. Bonjour Jean Lassègue. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous avez écrit avec Antoine Garapon un ouvrage qui s'appelle Justice Digitale, publié aux éditions PUF. Vous êtes philosophe et épistémologue, chargé de recherche au CNRS et chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice. Vous avez également consacré un ouvrage à Turing. Autant de bonnes raisons de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Pour terminer cette semaine sur les algorithmes, alors figurez-vous qu'Alan Turing, son nom a à peine été prononcé cette semaine et c'est pour ça que nous commençons cette émission avec... Non pas sa voix, car on n'a aucune archive de sa voix, mais l'extrait du film Imitation Game, un film de Morten Tildum sorti en 2014, qui raconte la vie d'Alan Turing, dont le travail est indispensable pour commencer à essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Le film est sorti, je suis allé le voir, j'ai été un peu déçu quand même, parce que dans l'extrait que vous avez donné à l'instant, il est question d'une machine universelle, mais cette machine universelle, il n'en a pas du tout été question pendant la guerre. Les machines. Bah, il mettait au point une machine pour décrypter les messages envoyés par les Allemands. Ça, c'est vrai, mais c'est pas une machine universelle. La machine universelle, c'est autre chose, c'est le plan logique de l'ordinateur. Donc, c'est son article, son grand article de 1936. Et ça n'est pas une machine, il l'appelait une machine de papier, parce que ça n'est pas une machine qu'on peut réaliser. Donc, c'est une machine infinie, qui est une machine purement mathématique. Donc dire que la machine qui sert à décrypter les messages allemands, c'est la machine universelle, c'est une erreur. C'est une erreur contenue dans le film, qui a quand même le mérite de parler de cette... Absolument. Bon, et alors l'autre chose quand même qui est dit dans cet extrait, c'est que cette machine universelle est censée résoudre tous les problèmes. Eh ben non. Justement, c'est ça qui est formidable, c'est que ce que Turing a montré, c'est que on pouvait montrer mécaniquement qu'il y avait des problèmes qui ne pourraient pas être résolus mécaniquement. Donc ça, c'est un théorème négatif. C'est très, très intéressant. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, la notion d'algorithme a été précisément déterminée et qu'elle est devenue un objet vraiment scientifique. À partir du moment où lui-même décide, enfin, essaye de mettre au point ce qu'il appelle une machine qui serait à la fois programmable et reprogrammable. Voilà, il y a cette idée d'une dissociation entre le support de la machine et le code ou le programme qu'on y injecte. Ouais, complètement. C'est-à-dire que vous pouvez faire un ordinateur à peu près avec n'importe quoi comme composant. Donc on utilise l'électronique parce que ça va vite, mais l'École normale supérieure de Lyon, j'ai vu une machine universelle réalisée, c'est-à-dire un ordinateur, donc une petite machine universelle en quelque sorte, en Lego. Donc ça marche aussi avec des Lego, l'ordinateur. Seulement ça va pas vite. Donc quand vous voulez faire une addition, ça met beaucoup de temps. Mais on y arrive très bien. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une dissociation totale entre le support et le code. En fait, c'est exactement ce que je dis. En philosophie, c'est ce qu'on appelle le dualisme. Absolument. Le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Absolument. Et Turing est lié à ce mouvement-là pour des raisons personnelles. La dernière chose dont il est question dans cet extrait, c'est le nom de cette machine qu'ils appellent dans le film Christopher. Et Christopher, c'était qui? Eh ben, c'était Christopher Morcombe, qui est le grand amour de jeunesse de Turing, puisque Turing était homosexuel, et ce jeune homme est mort, et Turing a voulu incarner le personnage scientifique que Christopher aurait dû devenir. Donc il est lui-même, en quelque sorte, l'incarnation de quelqu'un d'autre, au moins en esprit, peut-être pas dans son corps. Donc ce dualisme a chez lui une importance absolument majeure. Et c'est important pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque c'est là où nous en sommes, à savoir comment est-ce qu'on peut dissocier complètement une réalité physique à laquelle nous sommes habitués, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit institutionnelle ou autre, d'un effet, voire d'un langage qui est contenu par cette réalité-là. Le gros problème aujourd'hui, c'est le fait que, c'est ce que vous venez de dire sur le dualisme, c'est-à-dire que le langage informatique ne relève pas de l'espace, c'est de l'écriture. Bon, mais nous vivons dans l'espace. Et donc il y a une articulation à faire entre l'espace et ce code informatique, logique, ce calcul, qui, lui, n'est pas dans l'espace. Et donc ça, c'est là que les problèmes se posent, en particulier dans le cas du droit. Mmh. Parce que dans le cas du droit, évidemment, on juge des cas, on a des interactions avec un certain nombre de justiciables, et il faut réussir à trouver une solution à un problème donné, un litige, et se faire aider par des machines, c'est à la fois évidemment un progrès d'un certain côté, mais ça pose tout de suite de très graves difficultés, parce que précisément la réponse de la machine ne peut pas être liée à l'espace et à la signification de l'espace. Alors ça, comme vous le savez, en philosophie, c'est quelque chose d'absolument capital, que la signification de l'espace est une construction collective. Donc le problème que l'on va avoir, c'est comment la justice et le droit en général, comme construction collective, peuvent s'articuler à cet état de la société qui est le nôtre aujourd'hui, dans lequel la notion de code est devenue centrale. Et on va prendre des exemples au cours de cette émission pour comprendre les enjeux soulevés par ce que vous dites. Mais d'abord, vous l'avez dit, la révolution numérique serait d'abord une révolution d'écriture, une révolution graphique. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce que c'est qu'un algorithme, c'est essentiellement des règles d'écriture et de réécriture. Et donc, une machine universelle, c'est ça. C'est une machine que j'appelle une machine à réécrire. On a l'habitude de dire, il y a des machines à écrire. Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui, mais enfin, il y en a eu. Eh ben, un ordinateur, c'est essentiellement une machine qui réécrit des règles et donc qui réécrit des caractères. Donc, si on dit que l'informatique est une nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture, peut-être pas la dernière, mais en tout cas celle d'aujourd'hui, ça permet de prendre un peu de recul. Et ça permet d'envisager l'informatique d'un point de vue anthropologique et philosophique, en la replaçant dans un contexte historique beaucoup plus large, qui est celle de l'histoire de l'écriture. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une révolution qui est graphique, et on est un peu le nez contre la vitre, on se rend pas compte, en fait, parce qu'il y a des changements considérables dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes de domaines. Mais finalement, à mon avis, le fil rouge de tout ça, c'est la question de l'écriture, et la question de la transformation de l'écriture et du rôle qu'elle joue pour nous dans la société. C'est difficile de mesurer ce rôle-là et de voir quelles conséquences une transformation d'écriture peut avoir directement sur nous. Oui, bien sûr, mais on s'en rend compte tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'interaction sociale, sauf quand on est en vis-à-vis, sans en passer par l'informatique, donc sans en passer par de l'écriture. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, bon, vous prenez votre téléphone portable ou un ordinateur, vous regardez la télé, vous commandez un billet de train, tout se fait par le biais de l'informatique, qui est devenu une sorte d'équivalent général, c'est absolument sans... C'est complètement muet, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'il y a ça. Et donc, parce qu'on ne le voit pas, comme parce vous qu'on le dites, le voit pas. Ça n'occupe pas l'espace, au contraire. Exactement, c'est complètement dématérialisé. Donc à partir de ce moment-là, toutes nos interactions passent par là, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le fait que nous sommes devenus un alphabet. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vous-même informaticien, vous êtes incapable d'écrire du code, vous êtes aussi généralement incapable de le lire. Donc en fait, toutes vos interactions sociales, si elles ne se font pas en vis-à-vis dans un espace en face de quelqu'un, se fait à partir de règles d'écriture dont vous ne maîtrisez rien. Oui, mais on pourrait dire qu'avant l'invention du numérique, on écrivait avec des stylos, d'ailleurs on le fait encore, et on peut écrire avec un stylo sans savoir fabriquer ce stylo. Oui, d'accord. On communique via des téléphones, oui, on ne comprend pas les codes, mais enfin on sait communiquer avec. On va dire, on n'a pas besoin d'être garagiste pour conduire une auto. Ni expert en graphologie pour écrire ou en fabrication. Oui, c'est vrai. Mais il se trouve que c'est presque une question de saut qualitatif, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes nos interactions sociales passent maintenant par de l'écrit dont on ne maîtrise rien. Bon. Alors que vous pouviez, quand vous écriviez, ou quand j'écris encore avec un stylo sur une feuille de papier, je peux imaginer au moins ce que c'est que le cycle de la production d'un texte écrit. Mais aujourd'hui, je suis incapable d'imaginer quoi que ce soit de ce qui se passe quand je prends mon téléphone, je monte dans une voiture avec un GPS, je ne sais rien de ce qui se passe. Donc là, il y a quelque chose de complètement nouveau, hein, qui fait qu'il y a une espèce d'illettrisme généralisé qui est pourtant lié à un nouvel état de l'alphabet. Alors ça, c'est complètement stupéfiant. C'est le fait que je crois que tous les systèmes d'écriture aujourd'hui sont en fait alphabétisés, y compris les idéogrammes, parce que il faut que ces idéogrammes soient transmis à une machine qui ne peut traiter que du code binaire, bien, qui a en fait une origine très profonde, très liée à l'alphabet. Donc on peut dire que tous les systèmes d'écriture aujourd'hui ont un fondement alphabétique quand ils deviennent informatiques, et en même temps, nous-mêmes, nous sommes incapables de maîtriser cet alphabet. Donc là, il y a une situation qui est tout à fait nouvelle. C'est la globalisation de l'alphabétisation des systèmes d'écriture et en même temps l'illettrisme généralisé que ça provoque. Concrètement, on va essayer de mesurer les conséquences de ce que vous avancez. Concrètement, dans le domaine de la justice, que donne l'utilisation de plus en plus importante des algorithmes et des machines dans le cadre judiciaire? La première chose à laquelle on pense généralement quand on dit justice et algorithme, c'est à ça. I forgot my glasses. Oh! Max! Regardez-moi. Regardez-moi. Test positif pour Howard Marks. Monsieur Marks, au nom de la division pré-crime du district fédéral de Columbia, je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin que vous alliez commettre aujourd'hui, 22 avril, à 8h04 du matin. Non! J'ai rien fait! Un logiciel pour prédire la délinquance. Ça ressemble à un film, pourtant c'est là, aux portes de Paris. Nouveau pôle judiciaire de la gendarmerie, un nouveau bâtiment pour de nouvelles méthodes quand le futur devient le présent. Nathalie Hernandez a pu faire la visite en avant-première. Parmi les outils, il y a l'analyse prédictive, testée depuis 2 ans pour anticiper les vols ou les agressions grâce à la conception d'un algorithme. Attention, prévient le lieutenant-colonel Patrick Perrotte, on est loin du film Minority Report. On est vraiment pas sous le concept de la boule de cristal. C'est fondé sur des méthodes mathématiques qui permettent d'agglomérer un certain nombre de données en quantité. On a par exemple tout ce qui est données INSEE, le taux de la population au RSA, le nombre de retraités dans une ville. Toutes ces données sont agglomérées et à partir de ces données, on ne prévoit pas simplement le lieu, on prévoit aussi le moment où ça va arriver à une échelle d'une semaine, d'un mois, et on prévoit effectivement les endroits où cela pourrait arriver. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, où l'on passe de Minority Report au monde réel dans le cadre de cette série d'émissions sur les algorithmes. Aujourd'hui, en compagnie de Jean Lassègue, qui a coécrit avec Antoine Garapon un ouvrage appelé Justice Digitale, publié aux éditions PUF. Je disais que quand on pense aux algorithmes et à la justice, on pense à Minority Report. En fait, ça vient sans doute d'un malentendu, qui quand on parle d'algorithme, on pense à nécessité, déterminisme. Or, c'est pas le cas. Jean Lassègue. Alors, oui, on pense effectivement, à juste titre, à déterminisme, hein, puisque un ordinateur, c'est une machine déterministe. Bon. Donc, c'est une machine que Turing, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, appelait Laplacienne, hein, effectivement. Du démon de Laplace. Voilà, exactement. Ben, le démon de Laplace, pour reprendre cet exemple, hein, s'il connaît un moment donné du temps, la vitesse et le lieu de toutes les particules de l'univers, il peut calculer l'infinité du temps à venir comme l'infinité de l'histoire. Donc voilà, ça c'est une machine déterministe qui est celle que Turing a mis au point. Alors, il se trouve que ce qui est extraordinaire, finalement, c'est que l'ordinateur pourquoi l'ordinateur est devenu une espèce d'objet métaphysique et fétiche pour nous dans notre société, c'est que la nature elle-même n'est pas intégralement déterministe. Donc, on a réussi à faire un objet naturel, hein, vous l'avez dans votre sac, vous en voyez tous les jours. Donc, un objet de la nature, physique, qui marche de façon déterministe, alors que l'intégralité de la nature, on a pu le prouver physiquement, ne relève pas de ce cadre déterministe prédictif. Alors, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi un déterminisme qui était non prédictif. Et que donc l'usage des algorithmes finalement permettait de montrer qu'il y avait un certain nombre d'événements qui, malgré le fait qu'on pouvait les décrire par des règles extrêmement déterminées, ne pouvaient pas être intégralement prévus. Donc quand on dit justice prédictive, il y a une espèce d'effet d'annonce là-dedans. Hein, on dit, justice prédictive, on va pouvoir, comme dans Minority Report, on va pouvoir se pointer chez le criminel avant qu'il ne tue. Je crois que dans ce cas-là, c'est sa femme, ou ce genre de choses. Alors ça, je pense qu'il faut faire très attention. Je crois que c'est un effet d'annonce que personne aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs fort justement la journaliste de France Inter, la journaliste de France Inter et le policier ou le gendarme qu'elle interviewait, personne ne peut penser une seconde qu'il pourrait y avoir une prédiction telle que on pourrait arrêter les criminels avant qu'ils ne fassent leurs méfaits. C'est pas du tout ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est ce qu'il a montré, c'est-à-dire qu'on fait des calculs statistiques sur les endroits où les crimes peuvent avoir lieu, et à ce moment-là, évidemment, c'est là qu'on va faire passer les patrouilles de police plus souvent. Et c'est vrai que ça a des résultats. Ça a des résultats tout à fait concrets, comme baisse de la criminalité. Donc, ce qu'on fait, c'est des calculs statistiques. Beaucoup. Et je pense que les algorithmes d'aujourd'hui, en particulier tout ce qui tourne autour des big data, on va pouvoir peut-être y venir, sont liés à ce monde probabiliste-là, qui n'est pas du tout lié simplement à l'avènement de l'informatique. Hein, les statistiques sont employées de façon massive dans les pays développés depuis le début du 19e siècle. Donc c'est pas une nouveauté. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir des bases de données totalement gigantesques et de pouvoir regarder ce qu'il y a dedans de façon extrêmement rapide. Ce qu'on n'avait pas avant. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans l'univers juridique? Quand on parle de justice digitale, est-ce que ça veut dire que les algorithmes vont se substituer aux juges, vont se substituer aux avocats, vont établir des procédures? Quelle forme ça prend? Alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on entend par justice. Hein. Le concept philosophique de justice demanderait à être un peu explicité quand on parle de justice prédictive. Est-ce que la justice, c'est simplement appliquer une règle? Sûrement pas. C'est une loi, ou une loi. Bon, c'est pas ça. Donc, si ça n'était que ça, finalement, effectivement, on pourrait appliquer de façon tout à fait mécanique un certain nombre de lois. C'était d'ailleurs un vieux projet. Hein. C'est le projet de Leibniz. 1678, il écrit des textes à peu près au moment où il découvre le calcul intégral, donc qui va totalement bouleverser les mathématiques et la physique. Il a aussi une théorie du droit où il dit le juge ne doit pas interpréter les règles, il doit les appliquer de façon absolument mécanique et on va avoir une justice parfaite. Bon, donc c'est un vieux projet, ça. Mmh. Il se trouve que c'est un projet irréalisable. Hein, et que Leibniz lui-même a fini par le dire. Bon, et pourquoi c'est irréalisable? D'abord parce que ça laisse entendre que la justice serait une affaire exclusivement d'application de la loi, alors que c'est pas ça exactement. Et il va falloir expliquer pourquoi. Mmh. Bon, et puis ensuite parce que on peut effectivement céder de logiciels. Hein, très certainement, c'est-à-dire qu'on a des bases de données extrêmement larges, on peut voir des décisions de justice hein, par milliers. Bon, donc à partir de ce moment-là, on peut se faire une idée de la façon dont telle ou telle affaire a pu être traitée. Ça, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, on peut utiliser des logiciels. Mais c'est pas pour ça que ça va vous donner la solution. Hein. Donc il faut faire très attention à la façon dont on utilise les statistiques de ce point de vue-là, parce que c'est pas parce qu'on a des tendances qu'on va avoir un résultat. C'est deux choses différentes. Et surtout, l'utilisation des statistiques comporte le même risque d'erreur ou de biais que l'utilisation des algorithmes dans un autre calcul, à savoir que tout dépend de ces fameuses données à partir desquelles nous composons. Alors, ça, c'est à mon avis. Et en justice, c'est très important parce que la justice se veut d'être neutre et objective, or les données ne le sont jamais totalement. Bah, c'est-à-dire que surtout, il faut réussir à se poser une simple question. Comment on réussit à dire que tel cas qui a été jugé est semblable à tel autre, ou au moins analogue, pour en faire une espèce de catégorie? Rien que ça est un problème immense. C'est un problème qu'on rencontre en linguistique constamment. Comment réussir à faire des catégories un peu générales? Et c'est évidemment un problème qu'on va retrouver dans le cas de la justice. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, évidemment, les tendances qui sont dessinées, ça ne peut être que des tendances, puisque les cas sont toujours particuliers. Troisième chose à dire, à mon avis, qui est très important aussi, c'est le fait que dans la justice, il y a des plaignants qui cherchent à être reconnus par la société, et en particulier par le juge, dans leur plainte. Mm-hmm. Bon, donc si on commence par dire, finalement, ce sera une machine qui va vous juger, on peut se demander si le processus de la reconnaissance, qui est si important pour qu'on ait le sentiment d'avoir été jugé, que justice a été rendue, comme on dit en français, que ce sentiment-là soit effectivement vécu par ceux qui font appel à la justice. Et ça me paraît quelque chose qu'on prend difficilement, généralement qu'on prend difficilement en compte. Or, c'est fondamental pour que justice soit rendue. Voilà, parce que la justice n'est pas qu'affaire de loi, de nombres et de calculs, elle est aussi affaire, vous l'avez dit, et de sentiments et de reconnaissance. Ouais. Je vous propose qu'on écoute un texte, Jean Lassègue. D'accord. Un texte d'un auteur que vous citez en début d'ouvrage, mais c'est pas le même texte, il s'agit de Paul Ricoeur. Ah, oui. Et dans ce que vous allez entendre, lu par la comédienne Hélène Losseur, c'est tiré du Juste, l'acte de juger, vous verrez comment Ricoeur définit la justice comme étant cet exercice de reconnaissance. L'horizon de l'acte de juger, c'est finalement plus que la sécurité, la paix sociale. La finalité de la paix sociale fait apparaître en filigrane quelque chose qui touche à la reconnaissance mutuelle. Ne disons pas réconciliation. Parlons encore moins d'amour et de pardon qui ne sont plus des grandeurs juridiques. Parlons plutôt de reconnaissance. Mais en quel sens? Je pense que l'acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné son procès, se sent encore capable de dire « Mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme moi un sujet de droit. Sa cause méritait d'être entendue. Il avait des arguments plausibles et ceux-ci ont été entendus. » Mais la reconnaissance ne serait complète que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le condamné. Il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui donne tort n'était pas un acte de violence, mais de reconnaissance. Le concept même de reconnaissance tel qu'il est mis au point ici par Ricoeur, c'est pas le premier en philosophie à parler de reconnaissance, on peut aussi penser à Hegel qui dans un autre contexte investit aussi... J'allais y venir. Voilà, ce terme-là, il est passionnant, il est redoutable aussi, parce que la reconnaissance, le terme lui-même est polysémique, on peut l'entendre de différentes façons, reconnaître quelqu'un physiquement, c'est pas comme le reconnaître devant la loi. Quel est le lien entre cette reconnaissance et la justice? Parce que c'est peut-être là où finalement... on mesure les limites d'une application algorithmique de la justice. On peut pas dire qu'un algorithme va reconnaître quelqu'un au sens juridique du terme. Alors, peut-être que si. Alors justement, je pense que là il y a des questions anthropologiques qui jouent. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de cas dans les sociétés développées où un certain nombre de gens vont vous dire ah ben oui mais moi je préfère de loin passer par le jugement d'une machine que par le jugement d'un juge parce que un juge c'est plein de biais, une machine ça n'a pas de biais. Donc ça existe aussi. Évidemment, il y a plein de biais dans une machine. Ça, on peut essayer de un biais, ça veut dire c'est une absence d'objectivité. Voilà, une absence d'objectivité. Bon, il s'est levé du pied gauche, les femmes, les voilà, petits. Voilà, exactement, et ça pose toutes sortes de problèmes. Bon, je pense à un livre qui a été traduit en français l'an dernier d'une mathématicienne qui s'appelle Cathy O'Neill. On en a parlé hier, oui. Ah bon, qui montre très bien qu'il peut tout à fait y avoir toutes sortes de préjugés qui sont mis un peu par inadvertance dans un logiciel. Donc on peut corriger le logiciel, mais il ne faut pas croire qu'un logiciel, parce que c'est un logiciel, est nécessairement objectif. Pour une bonne raison, c'est que si on regarde des jugements statistiques dans une grande base de données, si dans ces bases de données il y avait des biais chez les juges, il n'y a aucune raison qu'ils soient éliminés par l'usage de l'algorithme. Donc il peut y avoir des répétitions éternelles, finalement, d'un certain nombre de biais. Donc, c'est pas qu'il faille pas utiliser les logiciels, c'est qu'il faut faire très attention à la façon dont, si on trouve un biais, il faut pouvoir le corriger. Hein, ça se corrige un logiciel. C'est pour ça qu'on a tant de versions des logiciels, évidemment. Alors, par rapport à la reconnaissance, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pensais à ce livre de Honneth, hein, sur... Axel Honneth, oui, voilà, le philosophe allemand. Voilà, le combat... lecteur de Hegel, d'ailleurs. Et lecteur de Hegel, puisque développé dans... Développé cette voilà, reconnaissance. Voilà, dans ce livre, il cite longuement le jeune Hegel. Et moi, en vous écoutant, me revenait une phrase des principes de la philosophie du droit, du vieux Hegel, alors, qui disait « Le châtiment est un droit du criminel lui-même ». Un droit. Et donc, c'est ce que vous disiez à partir du texte de Ricoeur, c'est-à-dire que éviter la violence sociale, ça veut dire reconnaître les autres qui ne sont pas d'accord avec vous, sinon il n'y aurait pas un litige, mais continuer à les considérer comme sujets de droit. Et évidemment, ça, c'est ça le procès, et c'est ça la justice. Donc ça n'est pas simplement appliquer des règles ou des lois. C'est pas simplement ça. C'est le fait que vous mettiez tout le monde dans une pièce, hein, et que ces gens-là doivent pouvoir sortir au bout d'un certain processus dans lequel chacun fait son chemin pour réussir à trouver une voie et penser à une solution qui, évidemment, ne va satisfaire personne, mais qui, en même temps, permet ce chemin vers la reconnaissance. Mais c'est un peu ça le problème de la justice, quand même. Vous l'avez dit, elle ne satisfait personne. C'est qu'en fait, elle ne consiste pas simplement à appliquer une loi. Et il ne s'agit pas d'avoir une loi qui corresponde à chaque cas particulier et de l'appliquer, quelles qu'en soient les circonstances. C'est qu'au fond, la justice est quand même, malgré son objectivité prétendue, une affaire aussi de compromis. Elle est aussi imparfaite. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux gens de dépasser leur point de vue. Et dépasser leur point de vue pour réussir à considérer que le point de vue d'autrui, même si ça n'est pas le leur, fait quand même sens, ça demande tout un processus. Et ce processus-là, c'est précisément ce qui se passe dans un procès. Et comment ça se passe généralement? Ça se passe par des argumentaires. D'accord? Donc, il y a une part rhétorique dans tout ça. Donc, il y a quelque chose, et c'est intéressant que vous ayez cité Ricoeur, il y a quelque chose de l'ordre du récit. Hein, il s'agit de réussir à faire un récit commun sur lequel on s'accorde plus ou moins. C'est-à-dire que c'est une mise en scène, le procès est une mise c'est en scène. C'est aussi une mise en scène, il y a évidemment, au sens fort du terme, hein, réussir à faire une mise en scène pour que s'élabore un récit commun dans lequel chacun puisse être reconnu dans sa place. Hein. Alors évidemment, on est très très loin simplement de l'application d'une loi. Donc, à la fois argumentation, récit, et si je reviens une seconde à l'usage des bases de données dont on parlait à l'instant, je disais, oui, c'est très difficile de réunir des cas qu'on juge plus ou moins analogues. Qui le fait? Sûrement pas un informaticien parce qu'il n'est pas du métier, donc il faut que ce soit une espèce de partenariat entre des informaticiens et des juristes. Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait difficile et sur lequel il faut réfléchir, c'est le fait que quand on a une base de données, interroger une base de données, ça passe par des mots-clés. Mais un mot-clé, c'est pas encore quelque chose qui permet de faire un récit. Or, réussir à passer du mot-clé au récit, c'est ça le problème de la justice aujourd'hui. Parce que c'est par là qu'il peut y avoir une reconnaissance mutuelle, hein, et que peut s'élaborer une justice. Mais alors, ce que vous dites plaide plutôt en faveur d'une limitation du recours aux algorithmes, aux machines dans l'espace de la justice. Moi, je pense qu'il faut bien comprendre ça. C'est vrai pour la justice, mais c'est vrai ailleurs aussi. Je pense qu'on ne va pas limiter les algorithmes. C'est-à-dire qu'on en fait tous les jours, on fait des logiciels qui sont meilleurs tous les jours, au moins on peut l'espérer. On les modifie dans le bon sens, on peut l'espérer. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la numérisation, la digitalisation de la société, ça va pas s'arrêter demain, parce qu'il n'y a aucune limite à ça. Mais il faut revenir à ce qu'on disait de Turing tout à l'heure et de la machine universelle. Mmh. C'est-à-dire que ce que Turing réussit à montrer, c'est qu'il y a deux dimensions à prendre en compte. Il y a une dimension qu'on pourrait dire horizontale, c'est celle du calcul, qui ne cesse de s'étendre. Mais cette dimension-là n'a de sens que par rapport à un incalculable. Hein, et donc, il faisait bien remarquer que le processus du calcul lui-même ne permettait pas de régler toutes les questions dont on aurait pu s'attendre qu'elles relèvent du calcul. Et donc, c'est ces deux dimensions-là sur lesquelles il faut jouer. À la fois se dire qu'il y a effectivement un champ du calculable qui ne peut que s'étendre, et en même temps penser que ce champ du calculable n'a de sens que parce qu'il y a de l'incalculable donc, que l'on peut aussi démontrer. Et qu'est-ce que c'est cet incalculable ? Ah, c'est un peu compliqué ça d'un point de vue du point de vue du théorème, mais c'est simplement dire que des problèmes bien posés ne peuvent pas être résolus par le calcul. Et ça, on peut le démontrer. Alors à partir de ce moment-là, vous voyez que ça pose des limites au concept de calcul, et donc ça pose aussi des limites à nous qui appliquons les algorithmes dans le cas de la justice. C'est-à-dire que on doit conserver, si vous voulez, une attitude éthique, une espèce de distance éthique, hein, qui consiste à se dire la généralisation des algorithmes et du calcul ne peut pas exister sans qu'il y ait aussi une limitation à ces algorithmes. Alors, vous prenez un exemple dans votre livre, hein, la legal tech, donc cette espèce de promesse de transparence et d'objectivité absolue dans la justice, pour finalement montrer que ce nouveau fonctionnement dans l'institution judiciaire serait comme un idéal inatteignable. Et c'est pour ça qu'il est inutile. Non, ça, le fait, les concepts sont inaccessibles en général, puisqu'on ne cesse de les réinterpréter. Donc ça, c'est pas ça qui doit nous faire peur. La legal tech, c'est l'espèce de galaxie, de boîte, start-up qui travaille à monter des logiciels. Bon, il y en a des centaines aujourd'hui pour tous les métiers du droit. Donc à la fois chez les avocats, pour les juges, pour faire des contrats ou ce genre de choses. Donc ça va continuer, hein. Ça va continuer, il y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ça risque pas de s'arrêter. Mais en revanche, il faut pas vendre du vent. Mais vendre du vent consisterait à dire que, effectivement, on va remplacer quelque chose de la justice et de son humanité. Or, si on fait bien attention à la façon dont Turing pose son théorème, hein, à la fois donc une illimitation dans un domaine spécifique, c'est-à-dire une extension du calcul d'une part, mais aussi une limitation interne de ce calcul-là, si on joue sur ces deux dimensions, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser des logiciels quand ils peuvent nous rendre service, mais tout en gardant une certaine distance par rapport à eux. Mais il y a aussi il peut y avoir une raison morale ou éthique de ne pas y avoir recours parce que la legal tech met au jour des données qui jusque-là n'étaient pas accessibles. Oui, mais ça. Et la notion d'abolition de toute forme de privé. Alors, y compris en justice, ça pose un problème quand ça même. Ça pose toutes sortes de problèmes. Je crois que le problème fondamental que ça pose, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire la disparition, plutôt, je dirais pas la disparition, je dirais le brouillage entre public et privé. Donc il y a un gros problème sur l'anonymisation des données, évidemment. Aussi une distinction fondamentale en droit, qui est la distinction bien connue chez Kant, hein, la différence entre le droit et le fait, hein, pour pouvoir juger que un événement est illégal, il faut qu'on puisse se dire qu'il aurait pu ne pas avoir lieu, qu'il aurait pu être fait autrement. Donc il faut accorder la liberté à celui qui l'a fait et dire vous êtes coupable parce qu'on pense que vous auriez pu faire autrement. Mmh. Bien. Donc, liberté et responsabilité. Voilà. Mais si vous n'avez plus cette distinction entre droit et fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus. Ça devient difficile de faire un jugement. Or, c'est précisément ce qui se passe en ce moment en droit. Parce que on arrive à, grâce aux bases de données qu'on a, on arrive finalement à avoir des réalités statistiques qui prennent le pas sur la différence entre le droit et le fait. Je vous donne un exemple, si vous voulez, qui est un exemple dont on parle, et qui est celui du droit du travail. Vous savez qu'en droit français, plus vous travaillez dans une entreprise, et plus le jour où vous partez, vous avez droit à des indemnités. Bon, il se trouve que statistiquement, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cap, et si vous dépassez ce cap, si vous restez plus longtemps, vous allez avoir statistiquement moins d'indemnités que si vous étiez parti un peu avant. Bon. Donc, je crois que c'est Bensoussan, l'avocat Bensoussan, qui donne cet exemple. Il dit peut-être que le droit français, mais moi, dans ma réalité d'avocat, ce que je vois, c'est la réalité statistique. Donc, c'est la réalité statistique qui devient la norme à partir de ce moment-là. Mais donc, vous voyez qu'il y a une espèce de brouillage entre le droit et le fait, hein, qui vient du fait que on parvient, par le biais d'algorithmes, à mesurer des choses que, jusqu'à présent, on n'arrivait pas à mesurer. Mais c'est la nature même de la justice que de brouiller l'espace qui avant séparait le privé du public, puisque la loi, par définition collective, vient s'appliquer aux particuliers, y compris dans l'intimité. Heureusement que la loi peut s'appliquer dans l'intimité. Oui, sinon, il y a un nombre de cas d'inceste, de viol qui ne seraient jamais condamnés. Oui, mais elle en a l'autorité. C'est-à-dire, on lui donne cette autorité. Le problème des logiciels d'aujourd'hui et des bases de données d'aujourd'hui, c'est que ça n'est pas normé. Voilà, et faut-il leur donner accès à ces données-là ? C'est ça qui est là où ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué ? C'est qu'on produit de plus en plus de données publiques, hein, et en même temps, on a besoin du privé pour faire parler ces données. Parce que, évidemment, les logiciels, disons que, face à une base de données, ça ne vous dira rien. Il faut savoir la faire parler, d'accord ? Donc, il faut avoir un bon logiciel pour se faire. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que le privé se mêle de faire parler des statistiques, hein, de données publiques. Et donc, il y a effectivement un problème à gérer et il faut réussir à décider ce que l'on donne et ce que l'on donne pas. Mais ça, c'est une décision qui est d'ordre politique et collective, hein, qui ne peut pas être simplement laissée au privé. Donc c'est un peu ce qu'on dit dans le livre. Hein. Il s'agit évidemment de pas brader ces données-là, parce que ces données-là, même si elles n'appartiennent plus à ceux qui les ont produites, elles demandent un certain contrôle de l'État. Donc oui, mais au fond, est-ce que ces données apportent, soulèvent de nouveaux problèmes auxquelles la justice n'avait pas à faire face absolument. Avant. Finalement, elle révèle l'essence même de la justice, qui est d'être contradictoire, faillible, imparfaite. À partir du moment où vous avez les moyens de voir que tel juge a tendance à avoir tel biais sur tel type de population, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les noirs, il n'aime pas les juifs, enfin je ne sais pas quoi, vous voyez bien que tout de suite, si on peut voir ça, il faut le voir. Mais ça peut permettre une prise de conscience aussi. Peut-être que le juge... Oui, mais là, on est toujours tributaire d'une interprétation. Ah ben, bien sûr. Peut-être qu'il s'avère que dans les cinq derniers procès qu'il a honorés, les cinq coupables étaient des femmes, et ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la femme. C'est possible, mais ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que, vous savez, les bases de données, si elles sont trop grandes, vous leur faites dire n'importe quoi. Si elles sont trop petites, vous leur faites dire aussi n'importe quoi. Voilà, mais c'est ça qu'elle, finalement, elle renvoie à un problème qui était déjà là. Qui est celui de la nuance, qui est celui de la subtilité de l'interprétation. Surtout, ça renvoie au fait qu'une base de données, ça n'a de sens que pour une communauté particulière et qui décide de la taille qu'il faut lui donner. Hein ? Quelque chose de trop grand, ça va pas. Quelque chose de trop petit, ça va pas. Et dans le cas d'un juge, si effectivement on peut lui dire que sur les 30 dernières années, il a plutôt tendance à mal juger après le repas de midi, peut-être qu'il faut qu'il arrête de boire pendant son déjeuner. C'est pas impossible de penser que des logiciels peuvent nous aider de ce point de vue-là. Mais évidemment, ça demande un contrôle. C'est un contrôle qui est simplement un contrôle de l'argumentation. C'est-à-dire, maintenant qu'on a ces données, prenons une décision collective quant à ce qu'il faut manger ou boire au déjeuner avant de passer dans un tribunal. Il serait tentant alors d'imaginer une société où les juges ne seraient plus êtres humains, mais des robots. Et de voir comment la justice serait alors appliquée. C'est exactement ce qu'a fait Verrell Ferguson en 73 dans une création radiophonique qui s'appelle Le Malade Imaginaire. Vous allez entendre donc dans cet univers dystopique un individu qui est arrêté pour trahison et condamné à mort par un robot. Voici le type de discussion que ça engendrerait. Si seulement je pouvais arrêter le taxi électronique qui passe là-bas. Module de repos Mélancolie 14. George F. October, travailleur mutant de deuxième classe, laboratoire temps mort. Lex George F. October, travailleur mutant de deuxième classe, est considéré par le laboratoire temps mort comme un dangereux hypochondriaque et par conséquent comme une anti-personne. De tels ennemis de la nation doivent être livrés à la morgue au laser de Planet City et soumis immédiatement à la loi de haute trahison. Éclair de feu, 14. La morgue au laser. Tout le monde veut me tuer, même les chauffeurs de taxi. Monsieur October, ne soyez pas impossible. Vous êtes sain d'esprit, peut-être, mais en tant qu'une antipersonne, vous n'existez plus. La mort est un mot inconnu à la morgue au laser. Vous allez être simplement recyclé. On dit que la technique est relativement sans douleur. Sans douleur. Vous avez un curieux sens de la justice, Monsieur Nova 2. Les robots de la classe Nova sont programmés par la logique symbolique, Monsieur October. Pour nous, le sens de la moralité n'existe pas. Et c'est là toute la question, Jean Lassalle, la différence entre la justice et la morale, entre la justice et le sens de la justice. Oui, le sens de la justice. Oui, effectivement. Donc là, on est dans le cauchemar qu'on a décrit tout à l'heure, d'un certain côté. Mais on a aussi montré que il y avait une utilisation des logiciels qui pouvait être un peu plus fine que ça. Mm-hmm. Hein, voilà. Donc réussir à utiliser des logiciels tout en gardant une certaine distance, ça doit pas nous empêcher d'avoir un sens éthique. Hein. Oui, mais c'est là tout le problème que pose cet extrait, parce qu'effectivement on prend un robot, donc on se dit, il le dit, il l'assume, il dit mais moi là, j'ai pas été programmé pour avoir le d'accord, sens de la justice. Mais c'est parce que d'abord on a laissé le robot faire. Hein. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une décision collective. Oui, mais encore plus précisément, peut-être de manière encore plus effrayante, qu'est-ce que c'est que le sens de la justice? Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que ça se transmet? Est-ce que vous arrivez à le définir? Ah, le définir, c'est très compliqué. Et pourtant, toute la justice repose sur ce sens de la justice. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vrai pour ce mot-là, mais ça pourrait être pour n'importe lequel. Hein. Oui, en l'occurrence, on parle de justice, c'est pour ça. Non, mais c'est ça le sens, en général. C'est-à-dire que ça demande constamment une réélaboration collective à travers le temps. Hein, donc ça, voilà, on est toujours dans cette problématique. Mais dans le cas de la justice, moi, ce qui me frappe, c'est, vous mettiez le doigt sur cette question-là, ça me paraît très important, c'est la question de la délégation aux machines. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, on doit déléguer aux machines? Et ça, c'est une question d'ordre politique. On l'a déjà fait pour les radars. L'a déjà fait pour les radars, absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde du droit, beaucoup de gens s'interrogent pour savoir où mettre la barre. C'est-à-dire quel type d'infractions peuvent être intégralement automatisées. Bon, dans le cas des radars, effectivement, ça s'est fait. Et finalement, bon, évidemment, on a vu avec les gilets jaunes que beaucoup de radars ont disparu sur tout le territoire, mais en gros, quand même, ça fonctionne pas mal. Bon, on trouve que c'est une façon ignoble de prélever de l'impôt, hein, puisque ça revient un peu à ça. Mais enfin, disons que jusqu'à présent, au moins, on avait l'impression que ce type d'infraction pouvait être traité automatiquement. Et après tout, il y a sans doute un certain nombre de litiges qui peuvent être traités de façon automatique et que un juge n'a pas intérêt à traiter. Il y a peu de juges, il y a peu de juridictions, il y a beaucoup de litiges. Donc si on peut réussir à faire en sorte qu'un certain nombre d'entre eux, de classes qu'il faut déterminer à l'avance, donc après une réflexion collective, bon, pourquoi pas. Ça, c'est une chose importante. Mais évidemment, on se rend bien compte que dès qu'on fait intervenir du témoignage, dès qu'on fait intervenir de la langue, à partir de ce moment-là, on entre dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire du récit et de l'argumentation, et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'évaluation d'une vitesse qu'on est en train de juger. Hein, on est en train de juger le dommage que quelqu'un a subi, quelquefois des dizaines d'années auparavant. Donc tout ça pose évidemment d'autres types de problèmes. Mais en tout cas, pour un certain nombre de conflits, des conflits de voisinage, on peut imaginer qu'un certain nombre de litiges pourraient être relativement traités de façon rapide, en particulier par la justice. Maintenant, sur la question de la rapidité, parce que c'est toujours quelque chose qu'on reproche à la justice, hein, elle est trop lente. Bon, ça marche pas, etc. C'est pas non plus mauvais. C'est-à-dire que si on revient au texte de Ricoeur dont on parlait tout à l'heure, qu'on a écouté, il est question de la paix sociale. C'est même la définition de la justice. Voilà, ne pas juger à chaud, en quelque sorte, hein, ça paraît aussi une façon de commencer le processus de justice. Bon, je dis pas qu'il faut que les affaires durent des années, c'est pas ça. Mais ne pas juger à chaud, ça évite un certain nombre de condamnations. Je vous rappelle que on voit ce que donne un jugement à chaud sur les réseaux sociaux. Sans procès. C'est-à-dire qu'il y a constamment des mouvements d'opinion pour ou contre, qui vont dans tous les sens, et ça me paraît être aussi grave, sinon plus, que ce monde de la surveillance dont on a peur à cause d'Internet. Hein, c'est le fait qu'il y ait des mouvements de foule comme ça, et des boucs émissaires. Bon, j'ai appris avec stupéfaction et horreur que, je crois que c'était en banlieue parisienne, qu'on a... On a pourchassé des Roms, hein, en leur prêtant toutes sortes de crimes. Donc on voit bien comment peuvent se constituer très vite des mouvements d'opinion qui sont hors loi. Voilà, mais là on n'est plus dans la justice. Mais là on n'est plus dans la justice. Vengeance ou dans le ressentiment. Exactement. Et donc ce que je disais, c'est que une justice automatique ne peut pas non plus être une justice immédiate, mm-hmm. hein, et que la temporalité est capital pour calmer les esprits et pour réussir à avoir un jugement qui soit un jugement commun et collectif que on puisse admettre. Vous insistez sur l'importance du temps long et vous parlez de ce jugement commun et collectif, mais justement, est-ce que finalement l'utilisation, y compris bien pensée et intelligente, des algorithmes dans le cadre de la justice, ne change pas le rapport entre la justice et l'égalité ? Ne change pas le rapport, sommes-nous tous égaux devant la loi ? Dès lors que celle-ci est appliquée par des calculs qui finalement s'adressent à chaque personne. Il y a comme le particulier devient plus important que le collectif dans ce cas. Alors, c'est une vraie question. Je parlais de brouillage tout à l'heure, hein. Et de la même manière, je pense qu'il y a un brouillage sur la notion d'égalité devant la loi. Alors, pourquoi ça ? Pour revenir un tout petit peu sur la première partie du livre et sur le graphique et l'écriture, quand on dit en France « nul n'est censé ignorer la loi », on sous-entend que la loi, on est capable de la lire. Bon, ça nous a demandé des siècles d'efforts hein, pour faire en sorte que la plus grande partie de la population soit capable de lire et d'écrire. Bien, ça, je l'ai dit, et je pense que c'est un vrai problème, on ne lit pas et on n'écrit pas les codes. Et donc, on est dans une situation d'illettrisme qui fait qu'on ne peut plus dire « nul n'est censé ignorer la loi », puisque finalement, on ne peut pas la lire, et même le juge ne peut quelquefois pas la lire quand il doit s'aider d'un logiciel. Donc c'est un vrai gros problème. Le deuxième gros problème, c'est celui que vous abordiez aussi à l'instant, c'est celui d'une loi qui serait adaptée à chacun. Hein ? Il y a toutes sortes de réflexions là-dessus aux États-Unis, hein, où on se dit, mais finalement, pourquoi devrait-on rouler à 70 km/h sur une route droite un jour de beau temps quand on est riche et qu'on a une bonne voiture et une bonne assurance, alors que on pourrait rouler beaucoup plus vite. Évidemment, celui qui est pauvre, a une mauvaise voiture, une mauvaise assurance et est malade, lui devra respecter une vitesse moindre. Donc on voit bien comment l'atomisation du code hein, qui peut s'adapter à des cas tout à fait individuels met immédiatement en danger l'aspect collectif de la loi, l'aspect universel de la loi. Donc ça, c'est un deuxième problème qu'il faut évidemment traiter parce que ça pose toutes sortes de questions, donc à la fois sur le statut des individus. Ça pose aussi toutes sortes de questions sur ce que c'est qu'une assurance, hein, parce que si c'est les assureurs qui nous disent à quelle vitesse on doit rouler, ça pose quand même problème aussi. Donc tout ça doit être de nouveau pensé pour qu'on arrive à quelque chose qui soit collectivement acceptable. Hein, si vous prenez le cas des voitures autonomes qui marchent pas très bien, bon, techniquement, on a vu qu'il y a des tas d'essais qui ont été arrêtés, mais finalement. C'est plus l'assurance du conducteur qui va prendre en charge l'accident si jamais il y a un accident. C'est l'assurance de qui ? Ben, c'est l'assurance du constructeur de l'auto. Mais donc, du point de vue de l'assureur, c'est pas du tout la même chose. Donc, dans le monde de l'assurance, il va y avoir des bouleversements énormes, hein, bien évidemment. Est-ce qu'on est armé à faire face à tous ces bouleversements ? Du point de vue de la justice, hein, en tout cas, en ce qui nous concerne. Je pense qu'il faut en tout cas s'y atteler. Hein, ça me paraît tout à fait important. Alors, avec Antoine Garapon, on dit souvent que, comme il y a des commissaires aux comptes, il faudrait qu'il y ait des commissaires aux algorithmes. Mmh. Hein, c'est-à-dire faire qu'au niveau européen, il puisse y avoir un corps de fonctionnaires, bien payés pour qu'ils n'aillent pas... chez Google ou d'autres, qui soient habilités à dire que tel ou tel logiciel leur paraissent plutôt utilisables et tel ou tel ne devrait pas être utilisé. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a besoin que la loi s'en mêle hein, et que effectivement on dise ce qu'il faut utiliser et ce qu'il ne faut pas utiliser. Et je crois que de ce point de vue-là, la situation européenne est très différente de la situation américaine, parce que nous, on a des institutions où on forme les juges, comme l'école de la magistrature, hein, et donc, finalement, les juges ont un très bon niveau. Alors que dans des pays où il n'y a pas d'école de la magistrature nationale, comme aux États-Unis, la question de l'utilisation de la machine fait que c'est peut-être un certain moyen d'obtenir une bonne moyenne dans le rendu de la justice. Mais ça, c'est une autre situation culturelle, c'est pas la nôtre. En tout cas, ce que je retiens de cette émission et de toutes celles qui ont précédé cette semaine, j'en ai sec, c'est que les algorithmes sont partout et qu'on n'est pas du tout préparé et qu'on ne les comprend pas et que la plupart des gens ne sont pas du tout armés à faire face et qu'il est grand temps qu'on s'y mette. Oui, mais on réfléchit beaucoup quand même. On y réfléchit beaucoup. On espère avoir les outils pour bien agir aussi. Merci en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous. Je renvoie à votre livre Justice Digitale que vous avez coécrit avec Antoine Garapon qui est disponible aux Presses Universitaires de France. On se quitte avec Alexandre London, Jury, Judge, Executioner. Hush now, well, volcanoes sleeping dormant through the night. Burning bridges, false religions. It was never going to be fair. Jury, judge, and executioner. My gosh, I know I am very, very late. Skipping with Bambi across the bloody Milky Way. It was never going to be fair. Jury, judge, and execution. Upsie daisy, what is meant to be will be. I've been swallowing a pepper pill since 2023. It was never going to be fair. Jury, judge, and execution. My gosh, I know I am very, very late. It was never going to be fair. Jury, judge, and execution. Oopsie daisy, what is meant to be will be. I've been swallowing a pepper pill since 2020. It was never going to be fair. Jury, judge, and execution. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui sur l'annonce parue jeudi dernier dans Le Monde sous forme de tribune « La fin des temps modernes », cette revue fondée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir à la fin de la guerre. Politique, littéraire et bien entendu philosophique, cette revue avait pour but, je cite le titre de la tribune, d'apporter une intelligence globale du monde. Plus de 70 ans plus tard, après la disparition de Claude Lanzmann en juillet dernier, alors à la tête de la revue, celle-ci ne paraîtra plus. Comment interpréter cette disparition? La modernité est-elle bel et bien finie et avec elle une certaine manière de faire de la philosophie? Ou est-ce le moment, l'occasion à saisir de repenser et de renouveler le genre, la revue philosophique, entre temps long de la recherche et temps court de l'actualité? Jean-Paul Sartre et ses collaborateurs présentent leur émission « Les temps modernes ». Notre émission d'aujourd'hui a pour objet le gaullisme. Y prennent part Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Pontalis et Bonafé. Comme il nous fallait un gaulliste, mais un qui nous permît de parler un peu, nous en avons fabriqué un dont le rôle incombe à Chauffard. Alors ça y est, vous avez compris maintenant. Une majorité écrasante. Un grand parti s'est formé. C'est vrai, un grand parti s'est formé. Ah, n'est-ce pas, Sartre? Le RPF? Je voulais pas parler du RPF. Je voulais parler du parti des abstentionnistes. Quand la revue Les Temps modernes paraît pour la première fois, elle comprend dans son comité de direction de grands noms, comme ceux de ses deux fondateurs. Sartre et Beauvoir, mais aussi Raymond Aron, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty, André Malraux, sans oublier Albert Camus ou les contributeurs fameux comme Queneau, Arendt ou Faulkner. Un tel panthéon réuni en une seule revue, ça en impose. D'autant que, comme on l'a entendu, ce n'était pas qu'une revue, Les Temps modernes, ça a aussi été un temps, une émission de radio. Les Temps modernes, c'était donc un média global, avant l'heure, ou plus largement une ligne éditoriale déclinable, une manière de faire, un esprit en fait. L'esprit a été perpétué au fil du temps, des maisons d'édition, au fil de ses directeurs et directrices, au gré des formules et des formats, mais toujours sous la forme inaltérable jusque-là de la revue papier. Il n'en est plus ainsi depuis le 6 décembre 2018, date à laquelle les éditions Gallimard ont informé d'un courrier leur abonné de la fin à venir de sa parution. Dans la tribune parue dans Le Monde jeudi dernier, les signataires, membres du comité de rédaction, précisent que la maison Gallimard envisage une formule plus légère. 3 volumes thématiques annuels. C'est donc la fin d'une forme et d'une époque, mais est-ce pour autant la fin de cet esprit, de cette pensée, des temps modernes? Jusqu'où cette philosophie est-elle tributaire de sa forme? Jusqu'où, n'importe quelle philosophie d'ailleurs, est-elle solidaire des formes de diffusion qu'elle prend? C'est l'enjeu des temps modernes et de toute philosophie en fait. Se demander non pas quelles idées tout le temps, mais quelle forme elle prend et pour qui. Alors Sartre, vous nous parlez aujourd'hui des lettres que vous avez reçues à propos de nos émissions? Oui, elles sont très intéressantes. J'ai reçu des lettres de félicitations, naturellement, et naturellement aussi des lettres de blâme et d'injures. C'est de ces dernières que je vais vous parler, parce que je trouve qu'elles traduisent un état d'esprit curieux et inquiétant. Tiens, en voilà, tenez, lisez ça. Monsieur Paul Sartre, vous êtes un ignoble individu. Je ne comprends pas qu'un type de votre acabit ne soit pas encore lapidé. J'espère que mes semblables en idées auront votre peau. Bon, vous savez, ce n'est pas tellement intéressant. Ce sont des lettres d'injures. Ce sont écrites par des gens qui ne trouvent pas leur point de vue exprimé dans les journaux, des bons Français, comme ils signent, qui attendent de pouvoir s'exprimer au grand jour, publiquement, comme ils sont aujourd'hui obligés de le faire seulement dans la clandestinité. En écoutant cette archive de 1947, toujours extraite de la forme radiophonique des temps modernes, on peut être frappé par la réaction qu'elle provoque chez Sartre et l'analyse qu'il en fait. C'est peu ou prou ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le désir d'être entendu alors que sa voix n'est pas forcément exprimée par les canaux traditionnels. Sans extrapoler sur cette anecdote des lettres d'insultes, elle fait écho à cette citation de Lanzmann sur les temps modernes. Ceux-ci, avait-il déclaré en 1995, sont un lieu d'accueil privilégié, de débat, de combat pour tous ceux qui ne s'accommodent pas des consensus à la mode et pensent que la tâche du déchiffrement du monde implique en même temps engagement et résistance. C'est la question qui se repose aujourd'hui. Comment penser un lieu d'accueil philosophique privilégié mais pour tous? Faut-il qu'il soit forcément une revue ou des livres, du papier au final? La tribune s'achève sur cette question des lieux où pourrait s'accomplir la tâche de Sartre et Beauvoir. Comment imaginer ces lieux? Faut-il s'engager dans l'ère du temps ou y résister? L'idée d'une plateforme numérique proposée semble aujourd'hui s'imposer, comme le site La Vie des Idées, collaborative, diversifiée, plus souple, plus immédiat, les possibles y sont plus grands. Là est sûrement la nouveauté, avec certes ses difficultés de nivellement, de contenu, d'efficacité à moindre coût, mais c'est un lieu à prendre pour la philosophie et qui a largement dépassé la modernité. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui c'était Anthony Thomasson. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe Barbara Stiegler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez réécouter cette émission sur les algorithmes avec Jean Lassègue en ligne, ainsi que toutes celles qui précédaient cette émission, toute cette série sur les algorithmes, mais aussi les séries précédentes, ça remonte à des années d'émissions. Faites-vous plaisir, vous pouvez écouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, si vous avez encore envie, à l'issue de cette série sur les algorithmes, Twitter, Facebook, Instagram. Nous, l'équipe des Chemins de la Philosophie, nous vous répondrons directement si vous nous posez des questions. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.